que tu es, tu travestis nos vies, pensant nous gouverner, te croyant acclamer. Tu ne fais que continuer ce que les autres ont fait. Tu t'octroies bien de droits, mais tu n'es pas mon roi. Te voilà à la tête d'un royaume sans pensée, dont tu te prêtes au jeu de la paix société. Quand tes voeux sont donnés, tu te mets à renier. Tu quémandes de la foi. Successeurs de bouffons qui ont creusé des crises, grand donneur de leçons qu'aucune tu n'as apprise. Que sujet pour toi sont une masse de fêtes acquises. Tu crées tes propres lois, mais tu n'es pas mon roi. Patron de monarchie, joujou du monde des sous, tu prends ce qu'on t'a pris en donnant beaucoup de coups. Faire peur, tu cries, tu veux qu'on devienne fou. Ton monde est bien trop froid, et tu n'es pas mon roi. Ces temps changeront sous peu, si le peuple se soulève, qu'il sente ce qu'il a de mieux, pour éviter qu'il crève. Sous ton règne piteux, il prendra la relève. Tu as beaucoup de poids, mais tu n'es pas mon roi. Prépare donc le changement, car ça va être ta fête. Tu as semé le vent, récolte la tempête. Et si tu survis maintenant, surveille bien ta tête. Même si je vote pour toi, tu ne seras jamais mon roi.